par les champs et par les grèves, un voyage en Bretagne, de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Chapitre 11. Saint-Malo, bâti sur la mer et clos de remparts, semble, lorsqu'on arrive, une couronne de pierres posée sur les flots dont les mâchicoulis sont les fleurons. Les vagues battent contre les murs ou, quand il est marée basse, déferlent à leurs pieds sur le sable. De petits rochers couverts de varechs surgissent de la grève à ras du sol comme des taches noires sur cette surface blonde. Les plus grandes, dressées en rang à pic et tout unies, supportent de leurs sommets inégaux la base des fortifications en prolongeant ainsi la couleur grise et en augmentant la hauteur. Au-dessus de cette ligne uniforme de remparts, que çà et là bombent des tours et que percent ailleurs l'ogive aiguë des portes, on voit les toits des maisons serrés l'un près de l'autre, avec leurs tuiles et leurs ardoises, leurs petites lucarnes ouvertes, leurs girouettes découpées qui tournent et leurs cheminées de poterie rouge, dont les fumignons bleuâtres se perdent dans l'air. Tout alentour, sur la mer, s'élèvent d'arides îlots sans arbres ni gazon, sur lesquels on distingue de loin quelques pans de murs percés de meurtrières, tombant en ruine et dont chaque tempête enlève de grands morceaux. En face de la ville, rattachée à la terre ferme par une longue jetée qui sépare le port de la pleine mer, de l'autre côté du bassin s'étend le quartier de Saint-Servan. Vide, spacieux, presque désert, et couché tout à son aise dans une grande prairie vaseuse. À l'entrée se dressent les quatre tours du château de Solidor, reliées entre elles par des courtines et noires du haut en bas. Cela seul nous récompensa d'avoir fait ce long circuit sur la grève en plein soleil de juillet, au milieu de chantiers, parmi les marmites de goudron qui bouillaient et les feux de copeaux dont on flambait la carcasse des navires. Le tour de la ville par les remparts est une des plus belles promenades qu'il y ait. Personne n'y vient. On s'assoit dans l'embrasure des canons, les pieds sur l'abîme. On a devant soi l'embouchure de la Rance se dégorgeant comme un vallon entre deux vertes collines, et puis les côtes, les rochers, et partout la mer. Derrière vous se promène la sentinelle, dont le pas régulier marche sur les dalles sonores. Un soir, nous y restâmes longtemps. La nuit était douce, une belle nuit d'été, sans lune, mais scintillant des feux du ciel, embaumée de brises marines. La ville dormait, les lumières, l'une après l'autre, disparaissaient des fenêtres, les phares éloignés brillaient en taches rouges dans l'ombre qui, sur nos têtes, était bleue et piquée en mille endroits par les étoiles vacillantes et rayonnantes. On ne voyait pas la mer, on l'entendait, on la sentait. Et les vagues se fouettant contre les remparts nous envoyaient des gouttes de leur écume par le large trou des mâchicoulis. À une place entre les maisons de la ville et la muraille, dans un fossé sans herbe, des piles de boulets sont alignées. De là, vous pouvez voir écrit, sur le second étage d'une maison, « Ici est né Chateaubriand ». Plus loin, la muraille s'arrête contre le ventre d'une grosse tour, c'est là qui cangrogne. Ainsi que sa sœur la générale, elle est large et haute, ventrue, formidable, renflée au milieu comme une hyperbole, et tient bon toujours. Intactes encore, et comme presque neuves, sans doute qu'elles vaudraient mieux si elles égrenaient dans la mer les pierres de leurs créneaux, et si par leur tête frissonnaient au vent les sombres feuillages amis des ruines. Les monuments, en effet, comme les hommes et comme les passions, ne grandissent-ils pas par le souvenir? Ne se complète-t-il pas par la mort? La cour déserte, où les tilleuls chétifs arrondissent leur ombre sur la terre, était silencieuse comme celle d'un couvent. La femme du concierge alla chercher les clés chez le commandant. Elle revint en compagnie d'une belle petite fille qui venait s'amuser à voir les étrangers. Elle avait les bras nus et tenait un gros bouquet. Ses cheveux noirs frisés d'eux-mêmes dépassaient de sa capote mignonne et la dentelle de son pantalon flottait sur ses petits souliers de peau de chèvre rattachés autour de ses chevilles par des cordons noirs. Elle allait devant nous dans l'escalier en courant et en appelant. On monte longtemps, car la tour est haute. Le jour vif des meurtrières passe comme une flèche à travers le mur. Par leur fente, quand vous mettez la tête, vous voyez la mer s'enfoncer de plus en plus et la couleur crue du ciel qui grandit toujours, si bien que vous avez peur de vous y perdre. Les navires paraissent des chaloupes et leurs mâts des badines. Les aigles doivent nous croire gros comme des fourmis. Nous voient-ils seulement? Savent-ils que nous avons des villes, des arcs de triomphe, des clochers? Arrivé sur la plateforme, quoique le créneau vous vienne jusqu'à la poitrine, on ne peut se défendre de cette émotion qui vous prend sur tous les sommets élevés. Malaise voluptueux, mêlé de crainte et de plaisir, d'orgueil et d'effroi, lutte de l'esprit qui jouit et des nerfs qui souffrent. On est heureux singulièrement. On voudrait partir, se jeter, voler, se répandre dans l'air, être soutenu par les vents, et les genoux tremblent et l'on ose approcher du bord. Des hommes ont pourtant grimpé là une nuit avec une corde, mais jadis, dans ce prodigieux XVIe siècle, époque de convictions féroces et de frénétiques amours. Comme l'instrument humain y a vibré de toutes ses cordes, comme l'homme y a été large, rempli, fertile. Ne peut-on pas dire de cet âge le mot de Fénelon, spectacle fait à souhait pour le plaisir des yeux? Car, sans parler des premiers plans, croyances qui craquent sur leur base comme des montagnes qui s'écroulent, monde nouveau qu'on découvre, monde perdu qu'on exhume, et Michel-Ange sous son dôme, et Rabelais qui rit, et Shakespeare qui regarde, et Montaigne qui rêve, où trouver ailleurs plus de développement dans les passions, plus de violence dans les courages, plus d'âpreté dans les volontés, une expansion plus complète enfin de la liberté se débattant et tournant sous toutes les fatalités natives. Aussi, avec quel relief l'épisode se détache de l'histoire, et comme il y rentre cependant d'une merveilleuse façon, pour en faire briller la couleur et en approfondir les horizons. Des figures passent devant vous, vivantes en trois lignes. On ne les rencontre qu'une fois, mais longtemps on les rêve, et on s'efforce à les compléter pour les mieux saisir. N'en était-ce pas de belles, entre autres, et de terribles, que celles de ces vieux soudards, dont la race disparut à peu près vers 1598 à la prise de Vervins, telles que la Mouche, Heurteau de Saint-Offrange, la Tremblay, qui s'en revenait portant au poing la tête de ses ennemis, ou ce La Fontenelle dont on a parlé, hommes de fer dont les cœurs ne ployaient pas plus que les épées, et qui, attirant à eux mille énergies divergentes qu'ils dirigeaient de la leur, réveillaient les villes en entrant au galop la nuit dans leurs murs, équipaient des corsaires, brûlaient la campagne, et avec qui l'on capitulait comme avec des rois. Qui a songé à peindre ces violents gouverneurs de province, taillant à même la foule, violant les femmes et raflant l'or, comme d'Épernon, tyran atroce en Provence, et Mignon parfumé au Louvre, comme Montluc étranglant les Huguenots avec ses mains, ou comme Baligny, ce roi de Cambrai, qui lisait Machiavel pour copier le Valentinois, et dont la femme allait sur la brèche, à cheval, casque en tête et cuirassé. Un des hommes les plus oubliés de ce temps-là, et un de ceux du moins que la plupart des historiens se contentent de nommer, c'est le duc de Mercœur, l'intrépide ennemi de Henri IV, qui lui résista plus longtemps que Mayenne, plus longtemps que la Ligue et que Philippe II. Désarmé à la fin, c'est-à-dire gagné, apaisé, à de telles conditions qu'ont un secret 23 articles du traité, et ne sachant alors plus que faire, il s'en alla servir en Hongrie. Combattit les Turcs, en attaqua un jour toute une armée avec 5000 hommes, puis, vaincu encore par là et s'en revenant en France, mourut de la fièvre à Nuremberg, dans son lit, à l'âge de 44 ans. Saint-Malo vient de me le mettre en mémoire. Il s'y heurta toujours et ne put jamais l'avoir pour sujet ni pour allié. Ils entendaient en effet faire la guerre pour leur propre compte, le commerce par leur propre force. Et quoique ligueurs au fond, repoussaient le duc tout en ne voulant pas du Béarnais. Quand le sieur de Fontaine, gouverneur de la ville, leur eut appris la mort de Henri III, ils refusèrent de reconnaître le roi de Navarre. On prit les armes, on fit des barricades, Fontaine se renferma dans le château et chacun resta sur la défensive. Peu à peu, ils empiétèrent. D'abord, ils exigèrent de Fontaine qu'il déclarât vouloir les conserver dans leur franchise. Fontaine céda, espérant gagner du temps. L'année suivante, 1589, ils choisirent 4 généraux indépendants du gouverneur. L'année d'après, 1590, ils obtinrent de tendre des chaînes. Fontaine accorda encore. Le roi était à Laval, il l'attendait. Le moment allait venir qu'il se vengerait d'un seul coup de toutes les humiliations qu'il avait reçues, de toutes les concessions qu'il avait faites. Mais il se hâta trop et se découvrit. Quand les Malouins vinrent à lui rappeler ses promesses, il leur répondit que si le roi se présentait, il lui ouvrirait les portes. Dès lors, on prit un parti. Le château avait 4 tours. C'est par la plus haute, la générale, celle en qui Fontaine se fiait le plus, qu'ils tentèrent l'escalade. Ces audaces, alors, n'étaient pas rares. Témoin l'ascension de la falaise de Fécamp par Boisrosé et l'attaque du château de Blain par Guébriand. On se concerta, on se réunit plusieurs soirs de suite chez un certain Frottet, sieur de la Landelle. On s'aboucha avec un canonnier écossais de la place, et par une nuit de brouillard, tous partirent en armes, se rendirent sous les murs de la ville, se laissèrent couler en dehors avec des cordages, et s'approchèrent du pied de la générale. Là, ils attendirent. Un frôlement brusque se fit sur la muraille. Un peloton de fil tomba, ils y attachèrent vite leur échelle de corde, qui fut hissée le long de la tour, et liée par en haut par le canonnier, à l'extrémité d'une couleuvrine braquée dans l'embrasure d'un créneau. Michel Frottet monta le premier, puis Charles Ancelin, la Blisset et les autres. La nuit était sombre, le vent soufflait, il grimpait lentement, le poignard dans les dents, tâtonnant du pied les échelons et avançant les mains. Tout à coup, ils étaient au milieu déjà, ils se sentent descendre, la corde se dénoue, pas un cri, ils restèrent immobiles. C'était le poids de tous ces corps qui avait fait faire la bascule à la couleuvrine. Elle s'arrêta sur l'appui de l'embrasure, puis ils se remirent en marche et arrivèrent tous à la file sur la plateforme de la tour. Les sentinelles engourdies n'eurent pas le temps de donner l'alarme. La garnison dormait ou jouait au dé sur les tambours. La terreur la prit, elle se réfugia dans le donjon. Les conjurés l'y poursuivirent. On se battit dans les escaliers, dans les couloirs, dans les chambres. On s'écrasait sous les portes, on tuait, on égorgeait. Les habitants de la ville arrivèrent en renfort. D'autres dressèrent des échelles contre la quiquengrogne, entrèrent sans résistance et commencèrent le pillage. La Pérodière, lieutenant du château, apercevant la Blisset, lui dit « Voilà, monsieur, une misérable nuit. » Mais la Blisset lui fit comprendre qu'il n'était pas temps de discourir. On n'avait pas encore vu le comte de Fontaine. On alla à sa chambre, on le trouva mort sur le seuil, percé d'un coup d'arquebuse que lui avait tiré un des habitants au moment qu'il sortait faisant porter un flambeau devant lui. Au lieu de courir au danger, dit l'auteur de la relation, il s'était habillé lentement et comme pour aller aux noces, sans qu'aucune aiguillette manquât d'être attachée. Cette surprise de Saint-Malo qui fit tant de mal au roi n'aida en rien le duc de Mercœur. Il désirait fort que les Malouins acceptassent un gouverneur de sa main, son fils par exemple, un enfant, c'est-à-dire lui-même, mais ils s'obstinèrent à ne vouloir personne. Il leur envoya des troupes pour les protéger, ils les refusèrent, et les troupes furent contraintes de loger hors la ville. Ils n'en devenaient pas cependant plus royalistes pour cela, car quelque temps après, ayant arrêté le marquis de la Mousset et le vicomte de Desnouets, il en coûta pour sortir 12 000 écus au marquis et 2 000 au vicomte. Puis, craignant que Pontbriand n'interrompît le commerce avec Dinan et les autres villes de la Ligue, il s'en empare. Supposant que leur évêque, seigneur temporel de la ville, pourrait bien les dépouiller de la liberté qu'ils venaient d'acquérir, ils le mettent en prison et ne le relâchent qu'au bout d'un an. On sait enfin à quelles conditions ils acceptèrent Henri IV. Ils devaient se garder eux-mêmes, ne pas recevoir de garnison, être exempts d'impôts pendant 6 ans, etc. Placé entre la Bretagne et la Normandie, ce petit peuple semble avoir à la fois, de la première, la ténacité, la résistance granitique, de la seconde, la fougue, l'élan. Marins ou écrivains, voyageurs de tous océans, ce qui les distingue surtout, c'est l'audace. Violente nature d'homme, poétique, à force d'être brutale, souvent étroite aussi, à force d'être obstinée, Il y a cette ressemblance entre ces deux fils de Saint-Malo, Lamennais et Brousset, qu'ils furent toujours également extrêmes dans leur système, et qu'ils ont, avec la même conviction acharnée, employé la seconde partie de leur vie à combattre ce qu'ils avaient soutenu dans la première. Dans l'intérieur de la ville, vous passez par de petites rues tortueuses, entre des maisons hautes, le long de sales boutiques de voiliers ou de marchands de morues. Point de voiture, aucun luxe. C'est noir et puant comme la cale d'un vaisseau. Ça sent Terre-Neuve et la viande salée, l'odeur rance des longs voyages. Le guet et ronde s'y fait chaque nuit avec de gros chiens d'Angleterre, dits dogs, lesquels on met au soir hors la ville avec un maître qui les mène et ne fait leur bon s'y trouver alentour. Mais venant le matin, on les ramène en certains lieux de la ville où ils déposent toute leur fureur qui, de nuit, est étrangement grande. À part la disparition de cette police quadrupède qui dévora jadis M. Dumollet, et dont voilà l'existence constatée par un texte contemporain, l'extérieur des choses a peu changé sans doute, et même les gens civilisés qui habitent Saint-Malo prétendent qu'on y est fort arriéré. Le seul tableau que nous ayons remarqué dans l'église est une grande toile représentant la bataille de Lépante et dédiée à Notre-Dame des Victoires. Elle plane en haut dans les nuages. Au premier plan, toute la chrétienté est à genoux, parlement, princesses et rois, couronnes en tête. Au fond, les deux armées s'entrechoquent. Les Turcs sont précipités dans les flots et les chrétiens lèvent les bras au ciel. L'église est laide, sèche, sans ornement, presque protestante d'aspect. J'ai remarqué peu d'ex-voto, chose étrange ici en face du péril. Il n'y a ni fleurs ni cierges dans les chapelles. Pas de Sacré-Cœur saignant, de Vierge chamarrée, rien enfin de ce qui indigne si fort M. Michelet. En face des remparts, à 100 pas de la ville, l'îlot du Grand B se lève au milieu des flots. Là se trouve la tombe de Chateaubriand. Ce point blanc taillé dans le rocher est la place qu'il a destinée à son cadavre. Nous y allâmes un soir, à marée basse, le soleil se couchait, l'eau coulait encore sur le sable. Au pied de l'île, les varechs dégouttelants s'épandaient comme des chevelures de femmes antiques le long d'un grand tombeau. L'île est déserte. Une herbe rare y pousse où se mêlent de petites touffes de fleurs violettes et de grandes orties. Il y a sur le sommet une casemate délabrée avec une cour dont les vieux murs s'écroulent. En dessous de ce débris à mi-côte, on a coupé à même la pente un espace de quelques 10 pieds carrés, au milieu duquel s'élève une dalle de granit surmontée d'une croix latine. Le tombeau est fait de 3 morceaux, un pour le socle, un pour la dalle, un pour la croix. Il dormira là-dessous, la tête tournée vers la mer. Dans ce sépulcre bâti sur un écueil, son immortalité sera comme fut sa vie, déserte des autres et tout entourée d'orages. Les vagues, avec les siècles, murmureront longtemps autour de ce grand souvenir. Dans les tempêtes, elles bondiront jusqu'à ses pieds, ou les matins d'été, quand les voiles blanches se déploient et que l'hirondelle arrive d'au-delà des mers, longues et douces, elles lui apporteront la volupté mélancolique des horizons et la caresse des larges brises. Et les jours ainsi s'écoulant, pendant que les flots de la grève natale iront se balançant toujours entre son berceau et son tombeau, le cœur de René, devenu froid lentement, s'éparpillera dans le néant au rythme sans fin de cette musique éternelle. Nous avons tourné autour du tombeau, nous l'avons touché de nos mains, nous l'avons regardé comme s'il eût contenu son hôte, et nous nous sommes assis par terre, à ses côtés. Note de la lectrice, voyage en 1847, François-René de Chateaubriand est décédé en juillet 1848. Fin de note. Le ciel était rose, la mer tranquille et la brise endormie. Pas une ride ne plissait la surface immobile de l'océan sur lequel le soleil à son coucher versait sa couleur d'or. Bleuâtre, vers les côtes seulement, et comme s'y évaporant dans la brume, partout ailleurs, la mer était rouge et plus enflammée encore au fond de l'horizon, où s'étendait dans toute la longueur de la vue une grande ligne de pourpre. Le soleil n'avait plus ses rayons, ils étaient tombés de sa face, et noyant leur lumière dans l'eau, semblaient flotter sur elle. Il descendait en tirant à lui du ciel la teinte rose qu'il y avait mise, et à mesure qu'ils dégradaient ensemble, le bleu pâle de l'ombre s'avançait et se répandait sur toute la voûte. Bientôt, il toucha les flots, rogna dessus son disque rond, s'y enfonça jusqu'au milieu. On le vit un instant coupé en deux moitiés par la ligne de l'horizon, l'une dessus sans bouger, l'autre en dessous qui tremblotait et s'allongeait. Puis il disparut complètement, et quand, à la place où il avait sombré, son reflet n'ondula plus, il sembla qu'une tristesse tout à coup était survenue sur la mer. La grève parut noire. Un carreau d'une des maisons de la ville, qui tout à l'heure brillait comme du feu, s'éteignit. Le silence redoubla. On entendait des bruits pourtant. La lame heurtait les rochers et retombait avec lourdeur. Des moucherons à longues pattes bourdonnaient à nos oreilles, disparaissant dans le tourbillonnement de leur vol diaphane. Et la voix confuse des enfants qui se baignaient au pied des remparts arrivait jusqu'à nous avec des rires et des éclats. Nous les voyions de loin qui s'essayaient à nager, entraient dans les flots, couraient sur le rivage. Nous descendîmes l'îlot, traversâmes la grève à pied, la marée venait et montait vite, les rigoles se remplissaient. Dans le creux des rochers, la mousse frémissait où, soulevée du bord des lames, elle s'envolait par flocons et sautillait en s'enfuyant. Les jeunes garçons nus sortaient du bain, ils allaient s'habiller sur le galet où ils avaient laissé leurs vêtements, et de leurs pieds qui n'osaient s'avançaient sur les cailloux. Lorsque, voulant passer leurs chemises, le linge se collait sur leurs épaules mouillées, on voyait le torse blanc qui serpentait d'impatience, tandis que la tête et les bras restant voilés, les manches voltigeaient au vent et claquaient comme des banderoles. Près de nous passa un homme dont la chevelure trempée tombait droite autour de son cou. Son corps lavé brillait, des gouttes perlaient aux boucles frisées de sa barbe noire, et il secouait ses cheveux pour en faire tomber l'eau. Sa poitrine large, où un sillon velu lui courait sur son thorax, entre des muscles pleins, carrément taillés, haletait encore de la fatigue de la nage et communiquait un mouvement calme à son ventre plat, dont le contour vers les flancs était lisse comme l'ivoire. Ses cuisses nerveuses, à plans successifs, jouaient sur un genou mince qui, d'une façon ferme et moelleuse, déployait une fine jambe robuste terminée par un pied cambré à talons courts et dont les doigts s'écartaient. Il marchait doucement sur le sable. Oh, que la forme humaine est belle quand elle apparaît dans sa liberté native, telle qu'elle fut créée au premier jour du monde. Où la trouver, masquée qu'elle est maintenant et condamnée pour toujours à ne plus apparaître au soleil? Ce grand mot de nature que l'humanité tour à tour a répété avec idolâtrie ou épouvante, que les philosophes sondaient, que les poètes chantaient, comme il se perd, comme il s'oublie. Loin des tréteaux où l'on crie et de la foule où l'on se pousse, s'il y a encore çà et là sur la terre des cœurs avides que tourmente sans relâche le malaise de la beauté, qui toujours sentent en eux ce désespérant besoin de dire ce qui ne peut se dire, et de faire ce qui se rêve, c'est là pourtant, comme à la patrie de l'idéal, qu'il leur faut courir et qu'il faut vivre. Mais comment? Par quel chemin? L'homme a coupé les forêts, il bat les mers, et sur ces villes, le ciel fait les nuages avec la fumée de ses foyers. La gloire, sa mission, disent d'autres, n'est-elle pas d'aller toujours ainsi, attaquant l'œuvre de Dieu, gagnant sur elle? Il la nie, il la brise, il l'écrase, et jusqu'en lui, jusque dans ce corps dont il rougit et qu'il cache comme le crime. L'homme étant ainsi devenu ce qu'il y a de plus rare et de plus difficile à connaître, je ne parle pas de son cœur, ô moraliste, il en est résulté que l'artiste ignore la forme qu'il a et les qualités qui la font belle. Quel est le poète d'aujourd'hui, parmi les plus savants, qui sache ce que c'est que la femme? Où en aurait-il jamais vu? Le pauvre diable, qu'en a-t-il pu apprendre dans les salons, à travers le corset ou la crinoline empesée, ou dans son lit même, s'il y a songé pendant les entr'actes du plaisir? La plastique, cependant, mieux que toutes les rhétoriques du monde, enseigne à celui qui la contemple la gradation des proportions, la fusion des plans, l'harmonie enfin. Les races antiques, par le seul fait de leur existence, ont ainsi détrempé sur les œuvres des maîtres la pureté de leur sang avec la noblesse de leurs attitudes. J'entends confusément dans Juvénal des râles de gladiateurs, Tacite à des tournures qui ressemblent à des draperies de l'Atticlave. Et certains vers d'Horace ont des reins d'esclaves grecs avec des balancements de hanches et des brèves et des longues qui sonnent comme des crotales. Mais pourquoi s'inquiéter de ces niaiseries? N'allons pas chercher si loin. Contentons-nous de ce qui se fabrique. Ce qu'on demande aujourd'hui, n'est-ce pas plutôt tout le contraire du nu, du simple et du vrai? Fortune et succès à ceux qui savent revêtir et habiller les choses. Le tailleur est le roi du siècle. La feuille de vigne en est le symbole. Loi, art, politique, caleçon partout. Liberté menteuse, meubles plaqués, peinture à la détrempe, le public aime ça. Donnez-lui-en, fourrez-lui-en, gorgez cet imbécile. Il se ruera sur la gravure et laissera le tableau, chantera la romance et dormira à Beethoven, saura tout Béranger par cœur et pas un vers d'Hugo. C'est plaisir de le voir à sa table comme il s'empiffre des plus lourdes marchandises et se grise des plus frelatées. Les mets communs lui vont vite, et demain, encore du scribe, du Vernet, de l'Eugène Sue, quelque chose de digestion facile et qui ne tienne pas de place au ventre pour qu'on en puisse manger davantage. L'homme des champs particulièrement se délecte dans le mauvais avec une ténacité édifiante. Son mauvais à lui est plus sincèrement sot, plus sauvagement bête. Il y met moins de finesse que le citadin qui au moins change de mode s'il ne change pas de goût. À combien de milliers d'exemplaires se vendent annuellement dans les campagnes l'amour conjugal et Faublas, sans compter l'Europe et l'Asie, égrillardes demoiselles au regard gluant qui décore toutes les chaumières. Mais il faut avoir vu les belles images de l'auberge de Cancale pour savoir comment le laid, le niais et le vulgaire peuvent prendre forme sur du papier. Imaginez dans une salle basse 5 cadres de bois noir accrochés au mur et dans ces cadres du rouge, du bleu, du jaune, une mosaïque de grosses couleurs qui tranche comme une tache bigarrée sur la blancheur du mur de plâtre. On s'approche du premier cadre et on lit au-dessous la demande en mariage. C'est un salon richement meublé, tapis vert, papier rouge, beau cordon de sonnette des deux côtés de la cheminée qui est enrichi d'une pendule représentant le temps avec sa faux. Un jeune homme, quel jeune homme, l'idéal du jeune homme, habit bleu à boutons luisants, cravate rose tirée droit entre les deux revers à châle d'un gilet de velours et piqué d'une épingle en diamant, pantalon gris d'un collant très mythologique, jolie cuisse, petite bouche, charmante chevelure, souriant et l'air timide, est présenté par son père à une dame assise dans une bergère et à une jeune personne plantée sur un tabouret. La mère, enharnachée de dentelle, a l'air un peu malade, un peu souffrant, et sourit avec ce charmant sourire de la vieillesse indulgente, contemplant l'amour. Le père du futur est un homme tout à fait bien, croix d'honneur, cravate blanche, air cossu, beaucoup de paquets. Quant au père de la jeune personne, c'est un vieux, tout ce qu'il y a de plus caduque et de plus vénérable, considérablement de cheveux blancs, bonne redingote, jaune d'œuf, à collet très haut, bombé comme une gouttière. Tous sourient à la fois. L'émotion, l'amour, les amours paternels, maternels, filiales, la joie, l'espérance, la satisfaction bien douce et le trouble inconnu se partagent, déchirent, agitent et charment les cœurs. Le second cadre représente le mariage. Nous sommes à l'église, le prêtre, l'autel, la fiancée en blanc, l'anneau qu'on se passe au doigt. La mère pleure, le père du jeune homme, dans un coin, est attendri, mais sourit. Toutes les femmes ont des chapeaux à plumes. Le marié est noir, frisé dur comme du fer, pantalon encore bien plus collant, bottes très pointues, c'est un chérubin. Troisième tableau, le bal. Réunion du grand monde, luxe somptueux. Deux lustres, brillants quadrilles, perspective de pieds chaussés d'escarpins très pointus, dont la file se prolonge indéfiniment, chaînes de montres partout, pluie d'écharpes et de turbans, éblouissement complet. Cependant, le marié tire à part sa compagne et lui dit d'une voix enflammée, « Mon ami, qu'il me tarde que tu partages ma demeure et ma couche. Je te possède. Viens. Veux-tu connaître des fêtes plus aimables que celles où nos conviés assistent pour nous plaire ? L'hymen va te l'apprendre. » Etc. Quatrième tableau. Le coucher de la mariée. On la déshabille, le lit est là, tout ouvert, avec la table de nuit, le bougeoir et les allumettes chimiques. La mère glisse à l'oreille de sa fille des mots mystérieux sur les nouveaux devoirs qu'elle a à remplir. Par la porte entrebâillée, on voit le marié brûlant d'amour, qui veut à toute force entrer. Mais les demoiselles d'honneur le repoussent et font pour un moment obstacle à ses vœux, tout dévoré qu'il est de la plus légitime, de la plus pure, de la plus touchante des impatiences. Cinquième tableau, le lever de la mariée. Le mystère de Vénus est accompli. Le sein de l'épouse a reçu le germe créateur qui, dans 9 mois, doit combler les époux d'un bonheur nouveau. Le lit est défait. Sur le marbre de la table de nuit, on voit les restes d'un pâté et une bouteille de vin entamée. En dessous, dans l'intérieur, on aperçoit le pot de chambre, et une bonne jette du linge sale dans une armoire. Les parents, arrivés dès l'aurore, se précipitent dans les bras de leurs enfants. Les traits de la mariée sont abattus, ses bandeaux tout dénoués et sa chemise de nuit entr'ouverte. L'explication la déclare d'ailleurs un peu lasse peut-être des nouveaux assauts de l'hymen, mais heureuse et le cœur plein d'une félicité suprême. Le marié, radieux, en robe de chambre azur, à revers rouge, avec une cordelière d'or et des pantoufles de velours violet extra pointus, confie à son père, qui sourit encore, les charmes de la nuit passée. Et la mariée confie à sa mère l'ivresse qu'elle a ressentie. Celle-ci l'engage à cette pureté, à cette chasteté qui sont la base des États et qui font le bonheur d'une famille pendant les siècles entiers. Nous allâmes prendre l'air sur le quai où luisait un beau soleil. La grève découverte était toute grise à cause de la vase qui la recouvrait, et sur sa couche lisse, glacée comme une crème, les barques vides, échouées dans toutes les postures du monde, avaient leurs filets suspendus qui séchaient au haut des mâts. Sur le bois des canaux, le goudron suintait en gouttelettes noires. Dans la brume pénétrée de soleil, seul au milieu de la mer, se levait le mont Saint-Michel. Dôme bleuâtre au sommet découpé. À droite, les côtes de Normandie, continuant de leur ligne mamelonneuse la coupe immense de la baie, allaient graduellement s'abaissant et confondaient à l'horizon le vague de leurs contours dans la blancheur des nuées légères. Nous glissions sur la vase tiède où nos pieds nus enfonçaient jusqu'à la cheville. De place en place, dans des flaques d'eau encloses de carrés de galets, quelques huîtres dormaient dans leurs vertes coquilles, comme des gens qui font la sieste, les jalousies fermées.